Section 11 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 3. La guerre de 100 ans. Deuxième partie, 1380-1453. Première sous-partie, les débuts de Charles VI, par Alfred Coville. Le règne de Charles VI. Après le gouvernement réparateur de Charles V, qui avait remis le royaume en état, 20 années passèrent pleines des plus grandes infortunes et des pires misères. La France y faillit périr, y perdre tout au moins son indépendance et sa dynastie nationale. De telles vicissitudes rendent toujours une époque vivante et dramatique. Il ne faudrait pas croire que tout fut triste et sombre en cette histoire. Jamais la royauté n'avait été aussi somptueuse, la cour aussi joyeuse et prodigue, la chevalerie aussi prétentieuse et folle. Jamais on n'avait vu encore tant de luxe et de fêtes qu'à la veille des pires catastrophes. Bien plus, le prestige de la France et de ses rois demeurait respecté et puissant. L'action extérieure continuait toujours aussi énergique. La France tient le premier rôle dans l'affaire du schisme. Elle intervient en Écosse, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Hongrie, en Orient, dans toute la Méditerranée, par sa diplomatie, par ses princes, ses Gascons et ses Bretons, ses aventuriers de toutes sortes. C'est bien une des périodes les plus mouvementées et les mieux remplies de notre histoire. Le fils est héritier de Charles V et Charles VI. Il a 12 ans. Il n'est rien ou presque rien encore. Mais la maison royale est là pour tenir sa place et en abuser. Au gouvernement personnel est très simple du feu roi succède le régime compliqué et bruyant des princes des fleurs de lys. Ils sont trois frères de Charles V, le duc d'Anjou, le duc de Berry et le duc de Bourgogne, et son beau-frère, le duc de Bourbon, qui semble avoir attendu cette mort et cette occasion. L'agitation démocratique. Entre ces princes et leurs convoitises, il fallut partager le royaume. Vainement, Charles V, redoutant un tel avenir, avait tout réglé dès 1575. Anjou devait avoir la régence, Bourgogne et Bourbon la tutelle. Ce partage ne convenait à personne. Il y eut difficultés, discussions. Pour tout concilier, il fut décidé que le roi serait immédiatement couronné. Mais comme il ne pouvait gouverner, après avis d'arbitre, on convint que le royaume serait administré par les quatre ducs, avec un conseil de 12 membres choisis par eux. Le duc d'Anjou, au lieu de la régence véritable, aurait la présidence. Puis les princes menèrent leur roi à Reims. Il reçut l'onction royale le 25 octobre. Au retour à Paris commencèrent ses fêtes, mascarades, bals, tournois, divertissements étranges et fous, dont souffraient à la fois la morale et le trésor. Les fouages et aides de Charles V avaient lourdement pesé sur le peuple. L'abolition faite par le feu roi à l'article de la mort éveilla toutes sortes d'espérances et d'exigences. Presque aussitôt après le sacre, une bande d'ouvriers forçait le prévôt des marchands à réclamer une nouvelle abolition, plus complète et plus rapide. Les princes capitulèrent devant une foule de 20 000 Parisiens. Les Parisiens, encouragés, vont partout dévaliser les bureaux de recettes, lacérer les registres, partager cet argent levé sur eux qui avait tant pesé sur la conscience de Charles V mourant. Des nobles se joignent à l'émeute. On court sus aux Juifs. On les poursuit, on les frappe. Surtout, on les pille. C'était là un mauvais début. L'agitation reste. Les têtes sont échauffées. Les rassemblements continuent. Il en allait de même en Angleterre avec John Bayle et Wat Tyler. En Flandre, Caen a donné le signal. Une insurrection s'est organisée, avec le chaperon blanc pour insigne et un fils d'Artevelde, Philippe, pour chef. Les autres villes suivent l'exemple, comme Ypres, Courtrai, Cassel, Furnes, etc. En France, il n'y avait plus d'aide ni de fouage. Il ne restait que les revenus du domaine. Cependant, les Anglais étaient toujours menaçants. La guerre continuait. Enfin, au début de 1382, le 28 février, une imposition nouvelle est criée à Paris. Le lendemain, la perception commence. Des artisans prennent fait et cause pour une vendeuse de légumes et tuent un collecteur. Voilà Paris en révolution. Des bandes se réunissent, vont à la place de Grève, à l'hôtel de ville, y trouvent des armes, de gros maillets de plomb et s'en emparent. Ce sont les maillotins. Puis sucent aux officiers de l'imposition, aux collecteurs, qui sont pourchassés, arrachés des églises, pillés et tués. Les prisons du Châtelet sont ouvertes. À l'évêché, on trouve au fond d'un cachot Hugues Aubriot, prévôt sous Charles VI, jadis maudit du peuple. On veut en faire un capitaine. Il s'enfuit la nuit pour échapper à cette dignité inattendue. Comment réprimer cette agitation? Plus de prévôts, d'évêques, de conseillers. Ils ont fui comme renards. Tel fut Goutteux qui saute comme léopard. Alors, la bourgeoisie se montre. La garde bourgeoise se réunit dans ses quartiers, descend dans les rues, ferme les portes de la ville, tend les chaînes et désarme les émeutiers. Le conseil du roi reprend courage et négocie. Il promet le retour au temps de Louis IX et de Philippe le Bel. Il assure l'amnistie. Les lettres royales se font attendre, elles sont incomplètes. Les excès vont recommencer. Le trésor du roi est saisi. Cependant, les bourgeois interviennent encore avec l'université. La paix est publiée le 11 mars. Il y a pardon, sauf pour les plus coupables, dont l'exécution commence. Au nom du roi, les princes réclament de l'argent pour prix de leur clémence relative. Ils ne l'obtiennent pas. À Rouen, à Orléans, à Amiens, à Troyes, à Béziers, le peuple s'insurge, se livre à de semblables excès. Dans l'Auvergne et le Vivarais, les paysans renouvellent la jacquerie. Ce sont les Tuchins. L'inquiétude était grande à la cour, parmi la noblesse féodale. Leur victoire en Flandre remit tout à sa place. Le gouvernement de Charles VI s'était débarrassé du duc d'Anjou. Appelé par la reine Jeanne Ière de Naples, il s'était lentement préparé à descendre en Italie, amassant de grosses sommes, épuisant le trésor à son profit, comme avec un regret de quitter ce beau royaume de France où il était si puissant. Il devait mourir à Bari en 1384. La place restait libre au duc de Bourgogne. Il en profita au mieux de ses intérêts. Tout d'abord, il importait de frapper l'agitation démocratique d'un grand coup. Or, la Flandre en était un des centres principaux, et le duc était l'héritier de la Flandre. Philippe le Hardi persuada au jeune roi et à son conseil d'aller à Gand châtier tous les révoltés de France. Ce fut une grande chevalerie, dirigée par le connétable Clisson, et une grande réjouissance de nobles. Les Gantois osèrent seuls résister. À Rosebec, le 27 novembre 1382, ils furent cernés, écrasés, étouffés. La féodalité et la royauté triomphèrent cruellement. 26 000 Flamands restèrent sans sépulture. Bruges se résigna à toutes les humiliations pour éviter le pillage. Courtrai paya le triomphe des Flamands de 1302 par un incendie général. Gand, cette plante d'iniquité, cette racine de toute trahison, résistait encore, refusant de payer sa rançon. Et Charles VI revint sans y être entré. Pour les villes de France, plus encore que pour celles de Flandre, ce fut la fin de toute clémence et de toute pitié. Charles VI rentre dans Paris avec toute son armée, sur les portes brisées, et renversées à terre. L'orgueilleuse Ribaudaille est désarmée. Les exécutions se multiplient. Le vieil et célèbre avocat Jean Desmarets, qui avait récemment travaillé à la pacification, est, contre toute justice, décapité. Puis on remplace les exécutions par les confiscations. Paris perd sa prévôté des marchands, qui est mise en la garde du prévôt royal. Nombre de privilèges sont supprimés. Les corporations sont frappées et réduites, surtout celle des bouchers, qui s'en souviendra en 1413. Les autres villes ne furent pas plus heureuses. Elles payèrent jusqu'à la ruine. La politique bourguignonne. Les années qui suivirent, jusqu'en 1388, furent également des années bourguignonnes pour la royauté française. Philippe le Hardi mena une seconde fois son docile neveu combattre les Flamands. Gand n'avait pas cédé, les Anglais la soutenaient. Elle ne céda pas encore. Mais le comte Louis de Malle se décida à mourir. Le duc de Bourgogne héritait au nom de sa femme. Il termina vite une guerre inutile, négocia avec ses fiers bourgeois et, le 18 décembre 1385, fit une paix très honorable pour eux. C'est encore pour complaire au duc de Bourgogne qu'est préparée en 1385 une invasion de l'Angleterre. Les Anglais n'avaient-ils pas soutenu les révoltés de Flandre? En 1386, les préparatifs sont immenses. 1387 navires, une ville de bois, des approvisionnements venus de la Normandie. Mais le duc de Berry ne venait pas prendre le commandement de cette expédition, inspiré par son trop puissant frère. Quand il arriva à l'automne, il était trop tard. Tout fut perdu. 2 ans après, en 1388, nouvelle campagne pour soutenir les intérêts bourguignons. Le roi de France lui-même est emmené avec 100 000 hommes pour assurer le repos de la duchesse de Brabant et de Limbourg, qu'inquiète le duc de Gueldre. C'est une longue et ruineuse promenade en Allemagne. Elle ne rapporte rien à la France, mais assure à Philippe le Hardi l'héritage de Brabant. La politique bourguignonne remporte un nouveau succès par le mariage du roi. La maison de Bavière était établie alors en Hollande et en Hainaut. Philippe le Hardi multiplia les alliances de famille avec ses puissants voisins. Comme il avait fait pour son fils, il donna au jeune roi une princesse de Bavière, Isabeau ou Élisabeth. Un portrait, sans doute flatté, décida, paraît-il, le jeune roi. Mais le choix lui fut bien suggéré. Charles VI aima tout d'abord Isabeau avec tendresse. Pour elle, il fut romanesque comme un page. En 1389, lorsqu'elle avait déjà 2 enfants, il lui fit faire à Paris une royale entrée, dont l'éclat dépassa toute imagination. Les Marmousets. Charles VI avait 20 ans. Il avait assez d'être en cette tutelle. Il revenait de Gueldre, quand, à Reims, il remercia ses oncles et déclara vouloir gouverner par lui-même. Au lieu de prince, il s'entoura des administrateurs éminents formés par Charles V, le connétable Clisson, Jean de Montagu, le Mercier, Bureau de la Rivière, etc. Ceux que les grands seigneurs appelèrent par ironie Marmousets. Les conséquences se marquent aussitôt. Le nouveau gouvernement agit et travaille pour le roi. Ce fut comme une vaste révision administrative qui témoignait les meilleures intentions. Le 5 février 1389, ordonnance sur la justice souveraine et le Parlement. 5 février 1389, ordonnance sur les baillis et autres officiers de justice. 28 février 1389, institution de 6 généraux des finances et règlement de leurs fonctions. 1er mars 1389, ordonnance sur le domaine, les comptes, le trésor, les aides, les monnaies, les eaux et forêts. 7 mars 1389, règlement général des eaux et forêts. 3 avril 1389, ordonnance sur la Chambre des comptes. C'est là qu'apparaît nettement, pour la première fois, le principe des élections au Parlement. Vers le même temps, la prévôté des marchands était rétablie et donnée en garde à Jean Jouvenel. Au-dessus d'eux, les laissant faire volontiers, Charles VI use et abuse de sa jeunesse. Il est toujours en fêtes et en joutes. On sent qu'il commence à compromettre le délicat équilibre de ses facultés. Et cependant, il est bon, pacifique. Il aime son peuple. Il est toujours prêt à le défendre quand il y pense. Cette bonté affectueuse qui le fit tant aimer de ses sujets et cette outrance de vie et de plaisir se rencontrent dans son voyage de Languedoc. Le roi voulait visiter le sud du royaume. Les doléances des gens du Languedoc contre le gouvernement du duc de Berry l'avaient profondément touché. C'était là-bas des misères infinies. 40 000 habitants avaient émigré. Le désert se faisait sur cette terre superbe. Parti par pitié pour ses sujets, le roi fit de son voyage une fête désordonnée et ruineuse. En Languedoc, il vit tout le mal. On ne pouvait songer à frapper le duc de Berry. Son trésorier Bétissac paya pour lui. À Béziers, en présence du roi, il fut brûlé sous prétexte d'hérésie. De retour à Paris, Charles VI enleva le Languedoc à son oncle et y envoya des réformateurs avec plein pouvoir. Mais il rentrait épuisé de cette chevauchée de plaisir. La folie du roi. Tout cela ne pouvait durer. Un incident amena une crise fatale. Rentrant de souper et de balai à l'hôtel Saint-Paul, tard dans la nuit, le connétable de Clisson est attaqué à un carrefour par son ennemi mortel, un chétif chevalier du Maine, Pierre de Craon. Il échappe en tombant dans une boutique. Il n'est que blessé. Le roi, qui est venu aussitôt voir son connétable, lui a promis une vengeance éclatante. Craon s'est réfugié près du duc de Bretagne, qui déclare ignorer où est le coupable. C'est une guerre à faire. Elle ne plaît ni au duc de Berry, ni au duc de Bourgogne. Le roi s'impatiente et s'irrite. Au Mans, son esprit paraît déjà tout troublé. C'est au mois d'août 1392, au milieu de la forêt du Mans, qu'un homme se jette devant lui. « Roi, ne chevauche plus avant, mais retourne, car tu es trahi. » Puis le roi, troublé, sort de la forêt, marche au grand soleil. Sa tête est en feu. Ses pages, qui l'escortent en sommeillant, choquent leurs armes. Un accès se déclare aussitôt. La folie éclate. Charles VI prend un galop furieux, blesse et tue autour de lui. Enfin, on l'arrête. Il tombe dans une longue prostration. Ramené à Creil, il retrouve la santé et la force. Mais la folie devait bientôt le ressaisir. Les suites de cet accès furent désastreuses pour le gouvernement royal. Les oncles du roi, Philippe de Bourgogne et Jean de Berry, saisissent aussitôt l'occasion comme s'ils l'avaient attendu. Malheur aux conseillers qui les avaient remplacés en 1388. Clisson se sauve dans un de ses châteaux de Bretagne, Montagu sur la terre du pape à Avignon. Bureau de la Rivière, Jean le Mercier et les autres sont enfermés à la Bastille Saint-Antoine, plus tard banni. Le peuple de Paris les maudit, ne sachant pas qu'il aura bientôt à les regretter. Il espère un changement, c'est le passé qui recommence. Trêves et guerres avec l'Angleterre. Au moins, le royaume serait-il délivré de la guerre anglaise pendant que son roi était fou et que ses princes s'apprêtaient à l'exploiter. Des trêves avaient été conclues en 1388, 1389, et 1394 à Lullingen pour préparer la paix. À cette fin de siècle, entre les deux jeunes rois, Charles VI et Richard II, le souvenir des grandes luttes passées semblait s'adoucir et s'effacer. Richard II fit le rêve d'une alliance française et eut la volonté de la réaliser. Au mois de juillet 1395, il demanda la main d'Isabelle, fille du roi de France, une enfant. Au préalable, le 9 mars 1396, la trêve fut renouvelée pour 28 ans, ce qui valait presque une paix. À l'automne, le mariage se fit. Une entrevue fastueuse entre Ardres et Guînes rapprocha les deux rois comme deux frères. Mais toutes ces espérances devaient être tristement déçues. Richard II fut renversé par son cousin, Henri de Lancastre, qui devint roi d'Angleterre en 1399 sous le nom de Henri IV. tandis que le gouvernement de Charles VI avait décidé de continuer les trêves avec le nouveau roi, le duc d'Orléans, frère de Charles VI, tint pour son propre compte une conduite différente. Il envoya, le 8 août 1402, des lettres de défi à Henri IV. La mort du duc de Bourgogne, en 1404, permit au duc d'Orléans d'imposer sa politique. Ce fut le renouvellement de la guerre. Fin de la section 11.